Et s'ils te traitent de menteur, certes on a traité de menteur des messagers avant toi. Vers Allah cependant, tout est ramené.